Chapitre 6e. Depuis qu'il était question du crime de la rue de la Pêche, chaque journal, on se le rappelle, se prétendant bien informé, donnait des renseignements démentis le lendemain par une autre feuille. C'est ainsi qu'on annonçait un matin le suicide de Julia Vidal, qui fut ressuscitée le même soir. Le jour suivant, le meurtrier avait été découvert, il s'était empressé de faire des aveux. Il devait comparaître aux prochaines assises et on allait jusqu'à donner son portrait. Les journalistes attachés aux faits divers arrêtèrent ainsi pendant une semaine une dizaine de personnes. Plusieurs d'entre elles réclamèrent et on eut la gracieuseté de les relâcher. D'autres se turent par la raison qu'elles n'existaient pas et leurs inventeurs continuèrent à les charger d'iniquité pour donner un aliment à la curiosité parisienne. Cependant, les journaux durent bien reconnaître, après information prise, que la justice était fort embarrassée. Depuis longtemps, aucune affaire ne s'était présentée sous des dehors aussi mystérieux. Un crime avait lieu, on en pouvait douter, et toute idée de suicide avait dû être abandonnée. Mais l'assassin, en dehors de la terrible blessure qu'il avait faite, n'avait laissé aucune trace de son passage. L'arme dont il s'était servi appartenait à la victime, et après les recherches les plus minutieuses, on était parvenu à découvrir dans l'appartement de la rue de la Paix aucun de ces objets qui, d'ordinaire, suffisent à éclairer les magistrats et souvent à convaincre le jury. Dans une affaire jugée récemment en Angleterre, un chapeau oublié par le meurtrier a entraîné une condamnation à mort. Un canif perdu par la tour près du lit de ses deux victimes amena le terrible dénouement de ce procès qui se déroula l'année dernière dans le département de l'Ariège. Enfin, un bouton tombé d'une chaise a suffi pour faire tomber plus d'une tête. Ici, rien de semblable, aucun indice matériel qui puisse justifier un mandat d'amener ou même de comparution. On est obligé de s'appuyer sur des probabilités morales et d'entrer dans le vaste champ des hypothèses et des suppositions. Qui a pu avoir intérêt à tuer Maurice Vidal? Voilà le point de départ, le point de repère. Mais il est encore à trouver. Est-ce sa femme? Les esprits sérieux ne saurait s'arrêter une seconde à cette pensée. Julia est digne de toutes les sympathies, le coup qui a frappé son mari a failli la tuer. Loin de la soupçonner, on doit songer à la venger. Est-ce un voleur vulgaire, un voleur de profession? Sa présence aurait été remarquée dans la maison de la rue de la Paix. Il n'aurait pas résisté au désir d'emporter cette somme en or retrouvée dans le cabinet de travail. Il se serait emparé de plusieurs objets de prix que contenait l'appartement et Maurice Vidal n'aurait pas eu, au moment de mourir, la pensée d'écrire un nom qu'il ne pouvait connaître. Est-ce un locataire de la maison? Cela expliquerait les allégations du concierge qui soutient d'avoir tiré le cordon pendant la soirée du 19 octobre à aucun étranger. Mais tous les renseignements pris sur les locataires du numéro 6, qui sont du reste fort peu nombreux, s'accordent à les signaler comme des gens tranquilles, n'ayant jamais eu maille à partir avec la justice et ne pouvant, avec quelque apparence de raison, être soupçonné d'un crime. Un seul de ses locataires attire un instant l'attention. C'est un Américain d'une quarantaine d'années qui sous-loue depuis 2 mois un petit appartement au 4e étage. Une perquisition est ordonnée dans son domicile et on n'y remarque rien de particulier. Il subit un interrogatoire et il en sort victorieux. Est-ce une des personnes que recevait habituellement Maurice Vidal? Elles comparaissent comme témoins, et de leurs dépositions claires et précises, les renseignements qu'ils parviennent de toutes parts sur leur moralité, il résulte qu'il ne peut exister contre elles l'ombre d'une preuve. Est-ce enfin l'individu signalé par le concierge comme étant venu demander M. Vidal dans la journée du 18 octobre, et sur le compte duquel le commissaire de police de la Bourse s'est longuement étendu dans son rapport? A-t-il pénétré dans la maison de la rue de la Paix sans qu'on l'ait aperçu? Albert Savary, tel est le nom de cet individu, n'était pas entièrement inconnu du parquet. Sans avoir subi de condamnation, il avait eu déjà des démêlés avec la justice. Ses antécédents laissaient à désirer, et on remarquait dans sa vie quelques coins obscurs. Il était en outre débiteur envers Maurice Vidal d'une somme considérable, et il avait été impossible de retrouver les billets souscrits. Il n'en fallait pas davantage pour le signaler à l'attention de la justice et un mandat d'amener, bientôt suivi d'un mandat d'arrêt, fut lancé contre lui. Ces mesures énergiques étaient du reste commandées par le retentissement qu'avait eu cette affaire. On s'en occupait de tous côtés. Il fallait reconnaître qu'elle avait le don de surexciter vivement les esprits. Comme il arrive souvent à Paris, où les choses les plus sérieuses sont traitées légèrement, des paris s'étaient engagés sur la question de savoir si le coupable serait ou ne serait pas découvert. Plusieurs journaux de l'opposition profitaient même de la circonstance pour se plaindre de la façon dont la police était faite. Ils s'étonnaient qu'il fût si facile d'assassiner en pleine rue de la Paix et si difficile de retrouver le meurtrier. La plus avancée de ces feuilles allait jusqu'à donner à entendre qu'un personnage puissant pourrait bien être compromis en tout ceci et que la police avait reçu l'ordre de ne pas agir. L'arrestation d'Albert Savary fut une première réponse à ces attaques. Nous allons l'accompagner dans le cabinet du juge d'instruction, M. Gourbet, saisi de cette affaire. Ce cabinet ressemblait à tous les cabinets affectés au service des instructions judiciaires. Une porte s'ouvrait sur le vaste corridor garni de bancs qui servait d'antichambre aux garçons de bureau, aux huissiers, aux témoins et à toutes les personnes qui recevaient quelques citations à comparaître. Une petite porte, plus secrète, mettait en communication directe avec le dépôt de la conciergerie et donnait passage aux prévenus. Le bureau était placé de telle sorte que celui qui l'occupait tournait le dos au jour et laissait son interlocuteur en pleine lumière. En effet, il peut être d'une grande utilité d'observer chez un prévenu le moindre changement de visage. On se trahit aussi facilement par un geste, par une attitude, par un regard, par une subite rougeur, que par des paroles. Et souvent, une question inattendue, faite à brûle-pourpoint à un criminel, impénétrable jusque-là, a suffi pour éclairer son juge. Une petite table près du bureau était destinée au greffier chargé de dresser le procès-verbal de l'interrogatoire. Un fauteuil en cuir, deux ou trois chaises pour les témoins, les inculpés et les prévenus, suivant leur position sociale et le degré d'intérêt qu'ils inspiraient, complétaient cet ameublement. M. Gourbet a cessé d'exercer ses fonctions de juge d'instruction en 1850 et il est mort déjà depuis quelques années, ce qui permet, sans blesser aucune susceptibilité, de faire son éloge. C'est certainement un des magistrats instructeurs qui ont laissé au palais les meilleurs souvenirs. Au dire des personnes qui l'ont connu, il était impossible de posséder à un plus haut degré les difficiles qualités exigées par sa profession. Il savait allier à une fermeté et une sévérité trop souvent nécessaires, une bienveillance et dans certains cas une délicatesse, un savoir-vivre, une façon de rassurer les timides, de donner du courage aux faibles, de consoler les coupables qui lui ont mérité toutes les sympathies. En un mot, il a su résoudre ce difficile problème, faire du bien même à ceux que sa conscience lui ordonnait de frapper le plus sévèrement. Un de ses greffiers disait un jour « La moitié de la vie de M. Gourbet se passe à chercher des preuves pour envoyer les gens en prison. L'autre moitié à trouver des raisons pour les en faire sortir ou pour leur en adoucir les rigueurs. » Au moment où nous pénétrons dans son cabinet, le 2 novembre, vers 11h du matin, M. Gourbet, debout, le coude appuyé sur la cheminée, causait avec une jeune fille en grand deuil assise dans un fauteuil. C'était Julia Vidal, avec laquelle il s'était déjà plusieurs fois entretenu et qu'il venait demander au palais. « Ainsi, madame, lui disait-il, depuis hier, rien de nouveau de votre côté. Rien, monsieur. Ne craignez pas de me communiquer même les choses qui vous paraîtraient les plus insignifiantes. Dans une instruction judiciaire, il arrive parfois que la lumière jaillit tout à coup d'un fait auquel on ne voulait d'abord attacher aucune importance. » « Vous avez eu, m'a-t-on dit, le courage de ne pas quitter votre appartement de la rue de la Paix et vous continuez à vivre dans la chambre où le crime a eu lieu. Oui, monsieur, » s'écria Julia en interrompant M. Gourbet. « Je ne quitterai qu'à la dernière extrémité cette maison où nous nous sommes tant aimés. » Et en parlant ainsi, des larmes longtemps contenues coulèrent de ses yeux. Depuis le jour où nous l'avons vu descendre si joyeusement de la diligence de Marseille, Julia a été profondément changée. Sa figure s'était allongée, ses yeux s'étaient cernés, et une sorte de pâleur mate avait remplacé la chaude coloration de ses joues. La douleur s'était, pour ainsi dire, incrustée dans toute sa personne, mais elle était si jeune, ses traits avaient une régularité si parfaite, à travers sa pâleur on devinait encore tant de santé, de vie, qu'elle n'avait rien perdu de sa beauté et avait acquis au contraire un charme de plus. Le juge d'instruction ne put s'empêcher de la contempler un instant avec intérêt. Puis, lorsqu'il la vit plus calme, il lui dit « Je vous demande pardon, madame, de raviver ainsi vos souffrances, mais vous pouvez m'être d'un grand secours pour arriver au but qu'on m'a donné mission de poursuivre et que je veux atteindre. » Oh oui, s'écria Julia, qui releva vivement la tête. « Vous atteindrez ce but, n'est-ce pas, monsieur? Vous vengerez mon mari, nous le vengerons. » « Je l'espère, répondit M. Gourbet, mais je dois vous déclarer que dans ma carrière, déjà bien longue, j'ai rarement rencontré d'affaires aussi mystérieuses que celle-ci. Tous les fils que je crois être parvenu à nouer se brisent dans mes mains. Je ne m'avance plus qu'à tâtons et avec une extrême prudence, car s'il est pénible pour l'amour-propre d'un magistrat instructeur, dont le pouvoir est si étendu, qui dispose de si grandes ressources, d'en renoncer à trouver un coupable, il est encore plus triste pour sa conscience de faire arrêter un innocent. Dût-il le relâcher ? Mais alors, dit Julia en interrogeant avec vivacité le juge d'instruction, le coupable ne serait pas retrouvé ? Mon mari m'a cependant ordonné de le venger, je veux lui obéir. Et je veux vous y aider, madame, je vous le répète. Mais encore faut-il que nous trouvions le meurtrier, et je crains que nous ne soyons pas encore sur ses traces. Cependant, je lisais hier soir dans un journal que l'assassin avait été arrêté. Les journaux se trompent, madame, ou trompent leurs lecteurs pour paraître bien renseignés. Un homme a été en effet arrêté hier par mes ordres. Il va tout à l'heure comparaître devant moi. Quelques charges pèsent sur lui et justifient cette arrestation. Mais ces charges ne sauraient suffire à me convaincre d'une façon absolue. Les preuves recueillies contre ce prévenu sont plutôt morales que matérielles. Je dirais plus, presque toutes les preuves matérielles m'échappent. Tenez, ajouta M. Gourbet en prenant plusieurs papiers sur son bureau. Voici un procès-verbal dressé par le commissaire de police chargé d'arrêter cet individu. Il en résulte que son attitude n'était pas celle d'un coupable. Il apparut très étonné, très surpris, lorsqu'on lui a communiqué le mandat d'amener, et s'il a joué un rôle, il faut avouer qu'il est bien habile comédien, car il est parvenu à tromper un de nos plus vieux employés. On s'est en outre livré, comme c'est l'usage, dans l'appartement du prévenu, aux recherches les plus minutieuses, et le résultat, sans être absolument négatif, ne nous a pas fourni de preuves concluantes. Enfin, je n'ai plus à compter que sur l'interrogatoire auquel je me prépare et qui va avoir lieu dans un instant, dit M. Gourbet en consultant la pendule placée sur la cheminée. Julia comprit qu'on la congédiait. Elle se leva pour prendre congé du juge d'instruction, mais avant de se retirer, elle crut pouvoir lui demander le nom de la personne arrêtée dont il venait de l'entretenir. « Albert Savary de Montbrisé, » répondit M. Gourbet. « Je vous l'ai déjà nommé, madame, et vous m'avez déclaré qu'il vous était inconnu. Les renseignements que vous auriez pu me donner sur son compte m'eussent été précieux. » « Non, » répliqua Mme Vidal, après un instant de silence, qu'elle employa à faire un dernier appel à ses souvenirs. « Je ne crois pas avoir entendu jamais mon mari nommer cette personne. » Et cependant, tout à l'heure, lorsque ce nom est sorti de votre bouche, la même commotion que j'ai déjà ressentie s'est reproduite. Quelle commotion? Que voulez-vous dire? Expliquez-vous. Mais je ne puis pas m'expliquer. Je ne comprends pas moi-même cet effet bizarre. Le jour où, pour la première fois, je vous ai entendu dire ces mots, Albert Savary de Montbrisé, il m'a semblé que je pâlissais, que mon cœur battait plus vite. J'ai voulu voir si je ne m'étais pas trompé, si le même phénomène se reproduirait, et je vous ai tout à l'heure prié de me redire ce nom, quoique je le connusse et qu'il se présentât sans cesse à ma pensée. « Cela n'a rien d'étrange, » fit observer M. Gourbet au bout de quelques secondes de réflexion. « Le sieur Savary est la seule personne qui se trouve sérieusement compromise dans cette affaire, vous le savez, et son nom doit vous causer une certaine émotion. C'est possible, monsieur. Vous m'avez demandé de vous faire part de toutes mes impressions et je vous ai obéi. » « Je vous en remercie, madame, » répliqua le juge d'instruction, tout en reconduisant Julia vers la porte de son cabinet. « Ne m'avez-vous pas dit dans votre dernier entretien, » ajouta-t-il, au moment de prendre congé d'elle, « que vous étiez assailli depuis plusieurs jours par une foule d'importuns qui venaient jusque chez vous vous faire des offres de service ?»« Hélas, oui, monsieur, et les physionomies de tous ces gens-là ne me rassurent pas beaucoup. La plupart prétendent appartenir à la police et être chargé de faire des recherches chez moi. À l'avenir, madame, vous ne recevrez que les personnes munies d'un mot écrit de ma main. C'est bien le moins qu'on respecte votre douleur, et que vous ne soyez pas la victime de curieux ou d'intrigants. Encore ce matin, fit Julia, qui tenait déjà le bouton de la porte, il s'est présenté un individu qui a beaucoup insisté pour être reçu. mais Marietta, sachant que je me préparais à venir ici, a refusé de l'introduire. Il a laissé son nom et a déclaré qu'il reviendrait. Et ce nom ? Vibert, je crois. Vibert ? Fit M. Gourbet, comme s'il cherchait à se souvenir. Ah ! J'y suis ! Reprit-il aussitôt. Celui-là, madame, si vous m'en croyez, vous le laisserez parvenir jusqu'à vous. C'est, paraît-il, un homme intelligent, très actif et très zélé. Il pourrait, dans l'occasion, nous être utile, et il m'a été recommandé hier d'une façon très pressante par le préfet de police. « Je le recevrai, monsieur, » dit Julia. Après avoir salué le juge d'instruction, elle se disposait à tourner le bouton de la porte lorsqu'elle s'aperçut qu'on essayait d'ouvrir cette porte extérieurement. Elle se recula. La porte s'ouvrit et donna passage à un petit homme d'une cinquantaine d'années environ. Après avoir dit deux ou trois mots à l'oreille de M. Gourbet, il alla s'asseoir devant la table destinée au greffier dans tout cabinet de juge d'instruction. « On m'annonce l'arrivée du prévenu, » dit M. Gourbet. « Ah » fit-elle, « je pars. » Mais, s'arrêtant tout à coup au moment où elle allait sortir, elle s'avança résolument vers le juge d'instruction et lui dit d'une voix brève « Je voudrais le voir. » Le petit homme sec, occupé devant sa table à se tailler une plume, leva vivement la tête tant il trouvait étranges ses paroles. Quant à M. Gourbet, moins étonné que son greffier par suite de la conversation qu'il venait d'avoir avec Mme Vidal, il considéra attentivement Julia et satisfait sans doute de son examen. « Ce que vous me demandez là, madame, peut se faire, » dit-il. Le petit homme, de plus en plus surpris, fit avec son canif un si brusque mouvement qu'au lieu de tailler sa plume, il se tailla le doigt. Pendant ce temps, M. Gourbet, s'adressant à Mme Vidal, reprenait. « Vous sentez-vous le courage, durant tout cet interrogatoire, de ne pas dire un mot, de ne pas faire un geste qui trahisse votre présence dans mon cabinet ?»« Oui, monsieur, j'aurai ce courage, même si j'arrive à faire confesser au sieur Savary qu'il est l'assassin de votre mari. »« Oui, monsieur, je mourrai peut-être d'indignation, mais je mourrai en silence !» s'écria Julia, avec cette exaltation italienne qui lui était propre. M. Gourbet fit un signe à l'homme sec qui se glissa vers lui. C'est à dessein que nous nous servons du verbe glisser en parlant du greffier. Il avait en effet une façon toute particulière de marcher. Ses pieds ne quittaient pas le parquet, ses jambes ne se soulevaient pas, ses genoux ne pliaient pas. Il semblait ne faire aucun usage de ses articulations. Il s'avançait tout d'une pièce, comme un wagon de chemin de fer qui glisse sur des rails. Excellent homme, du reste, que ce greffier ressort, dont on garde encore le souvenir au palais. Que de fois on l'a vu remettre, à de malheureux prévenus sortant de l'instruction, de petits paquets de tabac achetés sur ses économies. « Maladroit !» leur disait-il à l'oreille, « tu t'es laissé entortiller. Je viens de relire le procès-verbal, ton affaire est claire, tu en as pour 10 ans au moins, prends ça pour te consoler. » Quand le prévenu était une vieille connaissance, un galérien en rupture de banc, quelques chevals de retour, comme on dit au bagne, le petit homme sec ajoutait quelquefois au paquet de caporal une pipe en terre de dessous. « C'est convenu, n'est-ce pas, monsieur Cordier ?» dit le juge d'instruction, après avoir parlé un instant à voix basse à son greffier. « Il sera fait, monsieur, ainsi que vous le désirez, » répliqua solennellement Cordier. Il appela un garçon de bureau, lui ordonna de dresser dans un des angles du cabinet un paravent qui était relégué dans une armoire, puis il alla prendre galamment Mme Vidal par la main, et sans prononcer un mot, sans la regarder, en continuant à glisser sur le parquet, il la conduisit derrière le paravent, la fit asseoir dans un fauteuil, referma le paravent avec soin et revint s'incruster dans sa place habituelle devant son pupitre. À peine ses préparatifs étaient-ils terminés que le prévenu fut introduit dans le cabinet du juge d'instruction.